Chapitre 13. Elle fit quelques pas dans l'allée sur laquelle ouvrait cette petite porte, puis elle s'arrêta, car il y a loin de la résolution qu'on prend bravement entre quatre murailles, avec un toit sur la tête, à l'exécution qu'on doit mener à bonne fin, en pleine campagne, au milieu de la nuit. Elle était dans des dispositions nerveuses où la nuit précisément exerce sur l'âme une influence pleine de troubles et d'émoi. Peut-être, dans l'obscurité, eut-elle marché vaillante et déterminée, sans hésitation, mais la lune n'est pas faite pour affermir les cœurs qu'une émotion agite fortement. Il tombait du ciel bleuâtre une clarté argentée, qui donnait aux arbres et aux plantes des figures étranges. Les arbustes que la lumière frappait avaient un relief extraordinaire. Les ombres avaient une profondeur inquiétante. Sur le sable de l'allée, le feuillage, agité par la brise de la mer, promenait des dessins changeants, et dans le branchage des pins s'élevaient des murmures confus, des bruissements graves, qui avaient quelque chose de plaintif. Après un moment d'hésitation, Marthe se dit qu'elle attendrait les premières lueurs du jour naissant pour se mettre en route. Ces voix de la nature, cette lumière mystérieuse, le parfum qui s'exhalait des fleurs, tout cela la troublait trop pour qu'elle fût maîtresse d'elle-même. Si l'heure de minuit avait été bonne pour sortir du château, parce que alors tout le monde dormait du premier sommeil, elle était mauvaise pour cheminer à travers la campagne. Au matin, elle aurait tout le temps de s'éloigner, et avant qu'on s'aperçût de sa fuite, elle pourrait être loin. Cette allée aboutissait à un petit pavillon rustique. Elle résolut de s'y réfugier pour attendre le lever de l'aube. Là, sans doute, elle subirait moins ses impressions de la nuit. Elle était fâchée contre elle-même, dépitée de se trouver si peu brave, mais la peur était cependant la plus forte. L'allée qu'elle suivait faisait plusieurs détours, ce qui ne lui permettait pas de voir loin autour d'elle, malgré la clarté de la nuit. Comme elle approchait du pavillon qui se trouvait au milieu d'une petite pelouse découverte, il lui sembla entendre comme un bruit de voix étouffée. Mais à peine cette idée avait-elle effleuré son esprit qu'elle la rejeta. Sans doute c'était une illusion de la crainte, et ce qu'elle avait pris pour des voix était le bruissement de la brise dans le feuillage. Qui pouvait se trouver dans le jardin, par ailleurs? Cependant, elle prêta l'oreille et s'arrêtant, elle regarda du côté d'où était venu le bruit. Ce n'était point une illusion de la crainte. On entendait des pas qui criaient sur le gravier et un murmure de voix. Elle s'avança doucement sur la pointe des pieds en marchant sur le gazon. À 10 mètres devant elle, 2 personnes se promenaient lentement. Une femme appuyée sur les bras d'un homme et se serrant contre lui. La lune qui les éclairait dans le dos dessinait nettement leurs contours. La première pensée de Marthe fut de se sauver et de rentrer à la maison en courant. Mais elle n'en eut pas le temps. Les 2 promeneurs, arrivés au bout de l'allée, se retournaient. Vivement, elle se blottit derrière une touffe de laurier et elle regarda, cachée dans l'ombre. La lune alors frappait les promeneurs en face. La femme était sa belle-mère, l'homme était Monsieur de Mériol. Il menait de son côté et dans quelques secondes, ils allaient passer contre elle. Elle fut frappée de stupéfaction et son anéantissement fut tel que, bien certainement, elle n'eut pas pu faire un pas pour se cacher. Mais le laurier l'enveloppait de son ombre et on ne pouvait la découvrir que si elle sortait de son abri. Ses vêtements sombres se confondaient avec le feuillage. Elle voyait, on ne la voyait pas. Le bruit des voix devint distinct et bien qu'elle ne fit rien pour écouter, les paroles arrivèrent à elle, faibles d'abord, plus fortes à mesure qu'ils se rapprochaient. « Est-ce que vous n'allez pas rentrer ?» disait la voix de Monsieur de Mériol. « Pourquoi rentrer déjà ? Je suis si heureuse de me promener librement avec vous, à votre bras, au milieu de ces belles nuits. Est-ce que ce silence, cette lune splendide, ce parfum des fleurs, ce souffle dans les feuilles, est-ce que tout cela ne parle pas à votre cœur et ne vous aime pas ? Oh, certainement. On dirait que cette nuit est faite exprès pour nous. Je n'ai jamais vu le ciel si pur. Il semble qu'on entend des voix mystérieuses qui ne parlent pas le langage de la terre. » Elle se serra contre lui et elle s'arrêta, regardant au loin dans les profondeurs bleues de la nuit. Ils étaient à quelques pas à peine du laurier qui abritait Marthe. Elle voyait leur visage, qui paraissait d'une pâleur argentée, et quand ils faisaient un mouvement ou un geste, de grandes ombres noires couraient derrière eux sur le sable blanc. Marthe eût voulu ne pas voir et ne pas entendre, mais une horrible curiosité l'empêchait de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Mais elle en avait trop entendu pour ne pas écouter encore. « Je m'applaudis maintenant. » continua Madame Daunis, de ne pas avoir obéi à mon premier mouvement, quand mon mari est revenu. Je voulais vous mettre dans le pavillon le signal qui vous aurait annoncé que je ne pouvais pas venir à notre rendez-vous, mais j'ai peur que vous ne vous inquiétiez. Il fallait me mettre une lettre à la place du signal. Dans une lettre, vous m'auriez donné des explications. Risquer ainsi une lettre était trop grave, et puis, pour tout dire, j'étais impatient de vous voir. Quand aurions-nous pu retrouver une occasion? J'ai préféré courir l'aventure de descendre, bien que mon mari soit là. C'est parce que votre mari est là-haut que je vous demandais si vous n'alliez pas rentrer, car enfin, s'il s'éveillait, il ne s'éveillera pas. Comme vous dites ça, ma parole d'honneur, vous savez, je vous trouve magnifique. Il ne s'éveillera pas, il ne s'éveillera pas. Et s'il s'éveillait, ce ne serait pas drôle du tout. Aussi, j'aime bien mieux vous avoir à Bordeaux, dans notre appartement, les volets fermés, la porte close par un bon verrou, j'ai plus de liberté d'esprit. Vous trouvez peut-être que je ne suis pas poétique du tout, mais je suis comme ça. La nuit me trouble, et dans l'ombre, je perds 50%. Vous, c'est tout le contraire. Vous n'êtes jamais si bien à votre aise que chez vous. Positivement, les femmes sont admirables. Vous croyez que je suis à mon aise quand je souris au danger? Dame, ça me fait cet effet-là. Moi, je perds la tête, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus ce que je dis. Et je dis des sottises, pour ne pas rester dans mon embarras. C'est pour cela que j'aime bien mieux vous avoir chez nous. Là où moi je suis libre, et puis il me semble que vous êtes mieux à moi. En tout cas, je suis mieux à vous, car je ne suis pas obligé d'avoir l'œil ouvert et l'oreille tendue. Comment voulez-vous que j'aille à Bordeaux en ce moment? Je le sais bien. C'est pour cela que c'est une bonne idée de nous voir dans le pavillon. Mais encore faut-il que votre mari soit à Bordeaux. Quand il est ici, comme aujourd'hui, c'est beaucoup moins agréable. Ne parlons pas de mon mari, ne parlons pas de lui, je vous prie. Parlons de cette nuit splendide, parlons de notre amour. Ils reprirent leur promenade et le bruit de leurs paroles, se mêlant au bruit de leurs pas, ne fut bientôt plus qu'un murmure confus. Marthe était atterrée. Sa belle-mère, c'était sa belle-mère. Est-ce qu'elle rêvait? Est-ce qu'elle voyait mal? Est-ce qu'elle entendait mal? Non, elle était éveillée, elle voyait, elle entendait. Mais elle ne comprenait pas. Car enfin, sa belle-mère aimait son père. De cela, elle était certaine, elle le savait mieux que personne. Combien de fois y avait-il eu lutte et rivalité entre elles pour plaire à M. Denis? Et dans ces luttes, combien souvent c'était Mme Denis qui l'avait emporté en prévenance, en soins, en tendresse. Mais alors, comment s'expliquer ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait? Son père, son pauvre père. Arrivés à l'extrémité de l'allée, ils revenaient sur leurs pas, et une fois encore, ils allaient passer devant elle. « Venez demain pour le déjeuner, » disait Mme Denis. « Votre mari ne m'a pas invité. Cela ne fait rien. Vous nous rendrez service, d'ailleurs. Votre présence enlèvera au déjeuner le caractère d'intimité qu'il serait difficile de maintenir dans les conditions où Marthe se place vis-à-vis des messieurs de Saint-Austreberthe. Vous savez, positivement, Mademoiselle Marthe me fait plaisir. Elle montre une fermeté que je ne lui connaissais pas. Saint-Austreberthe aura du mal avec elle. Et cela vous fait rire. Je ne suis pas fâché de voir Saint-Austreberthe battu. Alors, si telles sont vos dispositions aujourd'hui, pourquoi êtes-vous venu me demander, il y a quelques semaines, d'user de toute mon influence pour décider M. Denis à ce mariage? Il y a quelques semaines, je ne connaissais pas Saint-Austreberthe comme je le connais maintenant. Il m'avait demandé de faire cette démarche auprès de vous, je n'ai pas voulu le refuser. Mais maintenant, je ne serais pas fâché de le voir échouer. Et puis, il y a quelques semaines, je ne savais pas qu'elle aimait RM. Comme ils ont bien caché leur jeu. Je ne me doutais pas du tout de cet amour, mais là, ce qui s'appelle pas du tout. Oh, les femmes sont-elles admirables? Il me semble que les hommes le sont aussi, car M. RM a dissimulé ses sentiments tout aussi bien que Marthe. Tiens, c'est vrai. Enfin, cela n'arrange pas les affaires de Saint-Austreberthe. Quand je ne savais pas que Mademoiselle Marthe aimait RM, je me disais qu'elle finirait par céder un jour, parce que Saint-Austreberthe arrangerait si bien les choses qu'elle serait sa dupe. Mais maintenant, Saint-Austreberthe me paraît distancé. On n'épouse pas une jeune fille malgré elle. Non, mais une jeune fille ne se marie pas non plus malgré son père. Et jamais M. Denis ne consentira au mariage de Marthe avec M. RM. Cessez donc de vous réjouir de l'échec de M. de Saint-Austreberthe. Ce qu'il y a de mieux à souhaiter pour nous tous, c'est qu'il épouse Marthe. Aussi moi qui ai tout d'abord été assez opposé à ce mariage, j'y suis maintenant favorable. Plus je vois M. de Saint-Austreberthe, et plus je suis convaincu que c'est un homme qu'il vaut mieux avoir pour ami que pour ennemi. Nous ne sommes pas dans une position à nous faire des ennemis, de gaieté de cœur. Si vous voulez m'en croire, vous ne ferez donc pas montre de votre hostilité contre M. de Saint-Austreberthe. Pour moi, je suis bien décidé à garder désormais une neutralité absolue dans le mariage de Marthe. Je ne ferai rien pour qu'elle épouse M. de Saint-Austreberthe, mais je ne ferai rien non plus pour qu'elle ne l'épouse pas. Je trouve dangereux de provoquer son inimitié. C'est un homme qui voit clair et qui sait peut-être beaucoup plus de choses qu'il ne faudrait pour notre tranquillité. Je vous engage à prendre la même ligne de conduite. Ce mariage ne nous touche pas, ne pensons qu'à notre amour. » Ils s'éloignèrent, mais cette fois, au lieu d'aller droit devant eux, ils prirent l'allée par laquelle Marthe était venue. « Conduisez-moi encore quelques pas, » dit Madame de Nice. Il disparut dans le tour de l'allée, puis, quelques minutes après, M. de Mériol revint seul. Il sifflait doucement une chanson gaie, et de sa canne, il fouettait l'air. Marthe resta derrière son laurier pendant assez longtemps pour qu'elle n'entendît plus aucun bruit. Puis, quand elle en sortit, au lieu de se diriger vers le pavillon, elle se tourna vers le château. Son père. Elle ne pensait plus qu'à son père, et elle voulait rester près de lui. Mais en arrivant à la petite porte, elle la trouva fermée.